fallut bien du courage pour mettre ma trouille hors d'usage. Ce ne fut pas une mince affaire de foutre mon pied au derrière au lieu de mes jambes à mon cou. J'ai pris ma guitare comme un fou pour chanter toute la nuit sous la fenêtre de Sophie. Mais la gueuse, elle était partie au concert de Florent Pagny avec ma guitare à la main. Je rebroussais chemin. Après une bonne cuite pour m'en remettre, je repris du poil de la bête. Je relevais la tête de l'eau et je mis mon plus beau chapeau. La peur au ventre bien décidée, malgré tout, de l'emmener. Vu ma pauvreté colossale dans le plus petit des bals. Or la peste, elle était sortie en boîte avec un nanti, avec mon joli petit chapeau. Je rentrais illico. Pour ne pas rester sur le carreau, alors je courus aussitôt au seuil de sa beauté, la supplier de m'aimer avant que cet être bourru, capitaliste, incongru, daigne le portefeuille plein, acheter son destin. Mais la belle, elle était là, assise, à pleurer des passions promises avec mon cœur à la main. J'apaisais son chagrin. Son chagrin. Thank you.